trajets courts en ville, le vélo offre l'avantage. De la rapidité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Du stationnement facile? Oui, réponse C. Non, réponse D.